Aval, Aval. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors dans votre immense sagesse de petit Bouddha cocaïné et pas pour toi. La seule que je ne vise pas autour de cette table, c'est Élise Lucet évidemment, qui ne fait que dealer, comme chacun le sait. La drogue à la mode chez les hommes d'affaires et les politiques véreux, c'est l'adrénaline évidemment quand Élise les traque. C'est quoi ton truc, la coke, le speed? Non, c'est cash investigation. Ça te fait des kicks mon ami. Bref, dans votre sagesse, donc vous savez naturellement que ce 11 mai. C'est la journée mondiale des espèces menacées. Ah. Et voilà. Ah, ouais. Honnêtement, je suis évidemment tenté de vous faire des vannes sur les députés socialistes. Mais bon, hein, à quoi bon m'offrir encore un nouveau triomphe? Facile en plus. C'est vrai, les chroniques à succès, le public d'Inter qui veut rentrer dans mon slip, Leïla qui me rajoute sur Facebook, tout ça j'ai connu, je suis déjà au-dessus c'est de tout vrai. Ça. Est-ce que ça nous grandirait vraiment en tant qu'humain que je vous parle des 1000 espèces menacées en France en faisant allusion aux cheveux de Daniel Morin? Est-ce que cette société-là qu'on veut pour nos enfants, vraiment, c'est ça que je pose comme question. Sûr, je dis, il n'y a pas de hasard, parce que j'ai lu hier que des scientifiques texans, je crois que c'est vrai, avaient risqué d'avoir trouvé enfin un remède contre la calvitie et les cheveux gris. Ah. Elle est pas belle la vie, mon ami? Si, vas-y. Elle est bien. Non, mais laisse tomber, c'est trop tard. Vous imaginez peut-être que dans l'élan, ils trouveront l'enzyme de l'humour de camping, et je veux dire, pour vous, tout n'est pas perdu, quoi, finalement. Camping. Et en parlant d'urgence absolue, cette journée mondiale des espèces menacées rappelle aussi que les changements climatiques sont beaucoup trop brutaux en fait pour les animaux. Apparemment il y a certains vertébrés qui auraient besoin d'un million d'années, je vous promets, pour s'adapter à une hausse de température de 1 degré de moyenne. 1 million d'années. Alors la bonne nouvelle pour Manuel Valls, c'est qu'il n'a rien à craindre puisqu'on parle d'animaux vertébrés. Tout ce qui est colonne vertébrale, dignité, etc. Donc, tiré d'affaire. Mais l'autre bonne nouvelle, elle est pour Nagui, évidemment, puisque ce sont les animaux les plus petits et les plus flexibles qui s'adapteraient le mieux, apparemment. La preuve, il est là. Mais pour les autres, c'est plié. Les biotopes évoluent beaucoup trop vite par rapport à leur morphologie. Je veux dire, quand t'as un tapir ou un phoque de Barbarie, tu peux pas te dire du jour au lendemain, tiens, je vais essayer avec des branchies. On va voir ce que ça va donner. You only live one year low, etc. On verra bien. Mais forcément, dans le monde animal, un poumon, ça se change moins vite qu'un joint de culasse, forcément. Il y a aucun animal qui se dit, tu sais quoi, mon délire à moi. C'est de devenir ovipare. Franchement, l'occasion fait l'avant. Je sens demain, je me fais poser des ailes en titane à moteur à réaction et je me barre au Costa Rica, mon ami. Non, les changements morphologiques, ça prend des milliers, des centaines de milliers d'années chez cette bande de bras cassés. Chez nous aussi, par parenthèse, sauf qu'on a inventé la clim et les digues de mer. Quand même. Je veux dire, s'il y a des vertébrés qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire à cette bande de branleurs qu'ils ont intérêt à changer d'attitude et à moins le prendre de haut parce que climatiquement, le changement, c'est maintenant. Trump, là, il hésite à tenir ses engagements sur les accords de Paris et Macron, comme chacun sait, a fait de l'écologie sa priorité numéro 1 juste après le retour de Dominique Rocheteau en équipe de France. L'écologie, tu sens que ça lui en touche une, mais l'autre elle reste vraiment fixe quoi. Donc ça sent pas bon parce que les scientifiques sont en train de se dire qu'on était beaucoup trop optimiste en fait. Apparemment à la COP21 à Paris, les États ils ont fait ça va aller, on est large, on va tenir la hausse des températures à 2 degrés, peut-être même à 1,5 degrés je pense. Et on dirait moi quand je suis coincé sur le périph' et que j'envoie un texto en disant je suis là dans 10 minutes, ouais. Là, je cherche une place pour me garer, ouais. À ce moment là c'est vraiment ça. Du coup, pour s'adapter à une hausse plus importante encore que prévu, certaines espèces, ils devront évoluer genre 10 000 ou 20 000 fois plus vite que par le passé. On est en pleine macronisation de l'évolution, en fait. Vraiment, c'est ça. Vous vous rendez compte? Même la nature va devoir s'ubériser pour survivre à la mondialisation. C'est terrible. Et peut-être là, la bonne nouvelle, finalement, pour les travailleurs de France, c'est que dans les manifs, ils pourront chanter « Les animaux avec nous !» Et ça en fait du monde, quoi. Et bonne émission, les amis. Merci, Guillaume. Merci. La bande originale.